Un crime étrange, une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellême. La situation que l'inspecteur Pinson occupait à la Sûreté l'avait souvent mis à même de se rencontrer avec des personnalités de mondes bien différents, soit que celles-ci eussent à recourir à ses services, soit que le hasard d'enquêtes policières les ait mêlées à certaines affaires célèbres dont la poursuite avait été confiée à Pinson. C'est ainsi qu'il avait fait jadis la connaissance de Richard Parent, le romancier bien connu. Ils se rencontraient assez souvent d'ailleurs dans le train qui les ramenait tous deux le soir à Chatou, où l'écrivain avait, comme Pinson, une petite propriété. Aussi Parent ne fut-il pas très surpris quand son domestique lui présenta la carte de Pinson, en ajoutant que le policier désirait avoir quelques instants d'entretien avec lui. « Eh bien, monsieur Pinson, » fit-il en pénétrant dans son cabinet de travail, où le valet de chambre, avant d'aller prévenir son maître, avait introduit l'inspecteur. « Quel bon vent vous amène ! M'apportez-vous quelques beaux crimes dont la trame pourra me servir à écrire un roman sensationnel à fort tirage ?»« Je ne sais pas encore, monsieur Parent, » répondit Pinson. « Peut-être bien. Mais en tout cas, je viens faire appel à vos lumières pour déchiffrer un mystère bien troublant. C'est à moi que vous venez demander cela. Vous figurez-vous que je paye des contributions qui servent pour une faible partie à payer vos émoluments, pour que vous veniez me demander de m'occuper de quelque affaire qui ne regarde que la police ?» Tout ceci fut dit d'un air très sérieux. Mes parents partirent ensuite d'un grand éclat de rire, et Pinson comprit que ce n'était là qu'une saillie d'écrivain. Celui-ci le tranquillisa d'ailleurs bien vite à ce sujet. « Voyons, racontez-moi donc un peu votre petite histoire, je vous écoute. » « L'histoire est courte, monsieur Parent. Nous avons ici à Chatou, tous deux comme voisins, monsieur Van Broek. Oui, je sais, ce Hollandais, original, qui fait dans ses serres et ses jardins une culture toute spéciale de tulipes et de narcisses. Lui-même. Eh bien, monsieur Van Broek vient d'être trouvé mort, assassiné par une personne encore inconnue. Qui diable a pu tuer ce pauvre brave homme qui n'a jamais fait de mal à personne, que je sache? C'est justement là ce qui m'amène à vous. Qui a pu le tuer? Il faut écarter toute idée de vol comme mobile. Rien n'a disparu de sa villa. Le crime a été commis de très bonne heure avant que ses domestiques fussent levés. Van Broek avait l'habitude d'aller de grand matin arroser lui-même les plantes qu'il cultivait avec un soin jaloux. Et c'est dans la serre que ses domestiques l'ont trouvé mort, d'un coup de couteau porté au cœur. Aucun indice, rien. C'est-à-dire, quand je dis rien, je me trompe. J'ai trouvé sous lui cet oignon, et crispé dans l'une de ses mains cette petite fleur, maintenant à demi fanée. Richard Parent regarda attentivement les deux objets que l'inspecteur avait posés sur la table, puis « Et que désirez-vous que je fasse ? » demanda-t-il. « Voici. Vous savez qu'avec certains indices, nous autres policiers savons retrouver, souvent du moins, les auteurs d'un crime. Mais ici, nous n'avons rien, absolument rien, pour nous guider. Vous autres romanciers, vous possédez l'esprit inventif, l'imagination qui nous manque. Vous savez le crime maintenant. Sauriez-vous lui trouver un mobile? Si vous me le dites, je me chargerai du reste. Vengeance? On ne connaissait pas d'ennemis à M. Van Broek. Haine de famille, héritage convoité, il n'a aucun parent. Les domestiques, à son service depuis plus de 20 ans. En outre, remarquez qu'il n'y a pas eu vol. Cambrioleur, surpris avant d'avoir pu voler. À 7 heures matinale, tout le monde dormait, je vous l'ai dit, sauf ce pauvre Van Broek. Et vous, Pinson, quelle est votre théorie? Ah, voilà. Vous savez que Van Broek, quand on s'entretenait avec lui, se lançait dans des diatribes amères contre la société en général. Pour un peu, il eût passé pour anarchiste. Il avait beaucoup voyagé, avait passé quelque temps en Sicile et en Italie, plusieurs années, je crois même. Serait-il possible qu'il se fût affilié dans sa jeunesse à quelques redoutables sociétés secrètes, la Mano Negra par exemple, dont il se serait séparé plus tard, en revenant avec l'âge à des sentiments plus sensés? Van Broek? Le calme et paisible Hollandais? Mais vous devenez fou, mon bon monsieur Pinson. Eh bien, je ne vois que cette solution. Un crime politique, des secrets dont il était détenteur et qui ont été la cause de sa mort. C'est mon avis, je ne vois aucune autre raison. « Venez me revoir demain, monsieur Pinson. J'aurai tout le temps de réfléchir, et je crois que je pourrai trouver la clé du mystère. » Le lendemain, l'inspecteur ne manqua pas de se trouver au rendez-vous fixé par l'écrivain. « Eh bien, avez-vous trouvé quelque chose ? » lui demanda-t-il. c'est tout trouvé. Et je crois qu'en 15 jours, vous aurez la satisfaction d'arrêter l'assassin. Non. C'est comme je vous le dis. Aimez-vous la lecture, monsieur Pinson? Beaucoup. Eh bien, lisez donc La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas. J'ai lu ce roman. Alors relisez-le, et vous aurez la clé de votre mystère. Vous croyez qu'un amateur de fleurs a assassiné Van Brock pour se procurer une fleur, une plante encore inconnue, et que le Hollandais était parvenu à créer au moyen de croisements? Pour moi, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Voyez ce narcisse noir, ajouta l'écrivain en lui apportant une fleur qui trempait dans un vase. C'est la fleur fanée trouvée dans la main crispée du mort et que vous m'avez laissée ici, ainsi que le bulbe que vous aviez respectueusement appelé « oignon ». L'assassin devait savoir que Van Brock avait découvert le narcisse noir, que nul horticulteur jusqu'à présent n'est encore parvenu à produire. Amateur de ces fleurs, collectionneur enragé comme Van Brock, il a voulu lui enlever le fruit de sa découverte pour que tout l'honneur lui en revînt. Croyez-moi, Pinson, et ne vous attardez pas à chercher ailleurs le mobile du crime. Peut-être avez-vous raison, fit l'inspecteur tout soucieux. Mais alors comment découvrir l'assassin? J'arrive à ce point important pour vous. Saviez-vous que Van Brock, bien que paraissant être dans une situation aisée, fut fort gêné? Non. Que des créanciers le harcelaient, que des jugements avaient été pris par eux contre lui? Mais non, je l'ignorais. Et que dans 10 jours, ses meubles, ainsi que tout ce qu'il possédait, tout, vous m'entendez bien, allait être vendu par autorité de justice. Vous m'étonnez. C'est la plus exacte vérité. Ses collections de fleurs et de bulbes y passeront comme le reste. Or, le jour de la vente, rendez-vous-y. L'assassin de Van Brock, lui aussi, s'y trouvera. Soyez-en certain, et vous pourrez l'y cueillir. La vente avait été annoncée pour midi, et l'on disposait d'abord du mobilier. Les collections de fleurs et de bulbes étaient réservées pour la fin. Il se faisait tard et le commissaire-priseur voulait terminer le soir même. Des jardiniers fleuristes, des horticulteurs des environs, avaient déjà acheté les plantes quand on mit aux enchères ce lot de bulbes soigneusement empaquetés dans du papier noir. « Nous ne savons pas ce que sont ces oignons, » fit le commissaire-priseur en les mettant en vente. « Mais ils doivent être certainement très intéressants pour les amateurs, car on les a trouvés dans une petite caisse scellée. » Que M. Van Brock conservait auprès de lui avec un soin tout particulier. Y a-t-il acheteur à 20 francs? 25, fit un petit vieillard auquel rien n'avait encore été adjugé. 30, cria Parent. Et les enchères montèrent ainsi entre le vieillard et lui jusqu'à ce qu'elles eussent atteint le prix fabuleux de 1850 francs, auquel les bulbes furent adjugés au petit vieux qui paya aussitôt et se dirigea vers la porte. Voilà l'assassin de Van Brock, fit Parent en pressant de la main le bras de Pinson. L'inspecteur s'avança vers l'acheteur. « Permettez-moi, monsieur, lui dit-il, de vous féliciter. Vous vous êtes rendu acquéreur d'une rareté, des bulbes de narcisse noir. Qu'en savez-vous ? Demanda l'autre en mettant les 3 petits paquets dans une poche intérieure de son vêtement. « Je le sais si bien que c'est pour ces narcisses noires que vous avez assassiné M. Van Brock. » Le vieillard chancela et tomba comme une masse sur le sol. Quelques instants, il resta muet. Puis tout d'un coup, il murmura. « Eh bien oui. » J'ai tué M. Van Brock. Et pour les narcisses noires? Mais c'est moi qui avais fait cette découverte. Et Van Brock m'avait volé les bulbes que je viens d'acheter. J'étais venu chez lui pour les reprendre. Il m'a surpris. Et prêt à tout, je l'ai assassiné. Il put à peine prononcer ses dernières paroles. Un hoquet le prit à la gorge. Et 2 ou 3 minutes après, il agonisait, serrant encore dans sa main les bulbes de narcisses noires. Ainsi s'achève un crime étrange. Une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellême.